Bonsoir amis fidèles de Radio Isanganiro et bienvenue à ce journal du 25 mars 2018 dont voici d'abord les principales articulations. Après le recueil des témoignages à travers le pays auprès des victimes et témoins, la commission Vérité et Réconciliation compte bientôt lancer la phase des auditions publiques des victimes et témoins des atrocités commises dans le passé. Vous allez suivre les détails à travers la voix du président de la CVR. La problématique liée à la mise en place des organes dirigeants du central des jeunes du parti Savoie-Niafre-Débout est en cours de traitement, rassure le secrétaire général de ce parti. C'est après que certains jeunes aient manifesté leurs doutes quant à la volonté des dirigeants de ce parti dans la mise en place de ces organes. Et à Bouvanza, le manque d'abattoirs fait parler de lui. Notre correspondant sur place nous en dira plus. Alors, bienvenue. La mise en place est assurée par Eric Ouimana, Aubin Nyongro à la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Page politique pour ouvrir ce journal. Le parti Savoie-Niafre-Débout reconnaît que les organes dirigeants de la centrale des jeunes démocrates affiliés à ce parti ont terminé leur mandat. Pierre Claver Nahimana, secrétaire général de ce parti, le dit après que certains jeunes de ce parti aient sorti une déclaration mettant en doute la volonté de la direction nationale du parti dans la mise en place de nouveaux organes de ces jeunes. Ce responsable dans le parti, dont Dadaïe, rassure cependant que ce problème est en cours de traitement au niveau des instances habilitées afin de constituer la direction de la centrale des jeunes de ce parti. Suivez Pierre Claver Nahimana. Nous avons vu tous les médias et les déclarations d'un groupe de jeunes de la centrale, des jeunes démocrates du Parti Savoie-Niafre-Débout CJD, qui allait dans le sens de dire qu'il y a de gros problèmes au sein de cette centrale, parce que, disent-ils, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de direction, cette centrale. Ce que je dois préciser, c'est que ça fait au moins un mois que les organes du parti sont en train de préparer, que nous appelons la réunion du Conseil des délégués nationaux au niveau national. Il faut savoir que le Conseil des délégués nationaux, c'est l'organe directeur au niveau national qui prend les plus grandes décisions entre deux congrès. Et cet organe devait se réunir samedi. Alors, cette déclaration des jeunes, comprenez qu'elle est venue dans la foulée des préparatifs de toutes ces réunions dont je vous parle. Cette question était déjà en étude dans les commissions en charge de préparer ces événements depuis longtemps. Tout ce qui concerne les mouvements affiliés, que ce soit la centrale des jeunes démocrates, que ce soit la Ligue des femmes, le Parti Savoie-Niafre-Débout qu'on appelle OFESOD chez nous, toutes ces questions-là, comme le règlement, notre règlement d'ordre intérieur l'indique, elles sont sous la responsabilité du comité exécutif national. Alors, la décision qui a été prise, c'est de dire, dans les jours qui viennent, et très rapidement, le comité exécutif national va se réunir et pourvoir à la CJD, à l'OFESOD, les organes dirigeants. Ça veut dire que le comité exécutif national va décider soit de conduire la direction de la CJD qui existait déjà, soit de nommer d'autres personnes pour diriger la CJD. Je pense que ça est un peu une maladresse de jeunesse, puisqu'il y a d'autres instances dans lesquelles ils pouvaient faire parvenir les revendications. Mais qu'est-ce qui avait manqué pour que ces organes soient mis en place pendant 6 ans? Non, c'est faux. Ça ne fait pas 6 ans. Ça fait au moins une année. Ils sont en train d'amender les textes qui les régissent pour qu'ils aillent en congrès de façon réglementée. Donc c'est ça qui a fait un peu traîner. Pierre Claver Nahimana, secrétaire général du parti Savoie-Niafre-Débout, a été joint au téléphone par Elie Nibigira. et 78 au lauréat de l'école La Souveraine de Moussigny en commune et mandat de la province de Bouvanza ont décroché leur diplôme de longtemps attendu plus tôt ce vendredi. Cette école ayant les sections banque et assurance et informatique de gestion à Guianga a été obligée de suspendre les activités de l'année passée sur mesure du ministère de l'Éducation car elle manquait quelques documents administratifs et selon les responsables de l'enseignement à Bouvanza, ce vendredi 39 lauréats de Moussigny ont eu leur diplôme et dont deux ont raté tandis que le 42e est décédé il y a quelques jours à Guianga. C'est tous les lauréats au nombre de 36 qui ont décroché leur diplôme. Parlons justice transitionnelle à présent. La commission Vérité et Réconciliation compte ouvrir dans quelques jours la phase des auditions publiques des victimes, des témoins et accusés. L'annonce a été faite ce samedi par le président de la CVR lors de la célébration de la journée internationale dédiée à la vérité sur les événements tragiques du passé. Monseigneur Jean-Louis Naïmana indique que cette phase va débuter par des dossiers emblématiques choisis pour leur charge en crime subi par tous les principaux groupes ethniques. Suivez-le. Nous profitons de cette occasion pour annoncer l'ouverture dans quelques semaines de la phase cruciale des auditions publiques de victimes, de témoins et accusés. La commission Vérité et Réconciliation envisage d'amorcer cette phase par des dossiers emblématiques, des dossiers choisis. D'abord pour leur charge en crime représentatif des plus graves subis par tous les principaux groupes ethniques et perpétrés par des auteurs issus de ces derniers, que leur faculté à ouvrir un débat et tirer des leçons résolues juste et consensuel pour le présent et pour le futur. Nous appelons et nous voudrions préparer les Burundais, toutes ethnies confondues, tout genre et tout âge confondu, à collaborer activement et avec toute confiance avec la commission Vérité et Réconciliation dans la recherche de la vérité, parce qu'il constitue la ressource plus importante sur laquelle compte la commission Vérité et Réconciliation pour accomplir sa mission avec succès. Enfin, nous appelons les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burundi à reconsidérer avec plus de clairvoyance et de perspicacité l'opportunité que représentent les travaux de la commission Vérité et Réconciliation pour le présent et pour le futur proche et lointain du Burundi et partant de lui apporter un soutien franc tant moral que technique et financier. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, est-ce que aujourd'hui vous pensez que l'objectif d'atteindre la vérité sur ce qui s'est passé au Burundi est toujours possible à atteindre? Oui, je vous dirais que au stade où nous sommes de nos travaux, nous sommes confiants, je dirais même édifiés de voir combien les Burundais sont ouverts. Au début de nos activités, nous avions peur parce qu'il y avait une certaine opinion dominante qui voulait faire croire que le moment n'est pas propice pour ce genre de travail. Mais une fois arrivés sur le terrain, nous avons été beaucoup édifiés de réaliser que la réalité sur le terrain est autre, que plutôt la population burundaise attend depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, ce moment de dire la vérité, ce moment de, je veux dire que c'est un moment de libération parce que beaucoup de familles sont fatiguées. Il y a des familles qui attendent depuis 4-5 décennies de connaître la vérité sur ce qui est arrivé au leur. Titre d'exemple, je vous dirais que d'après nos prévisions, au niveau de la phase de déposition, nous attendions au moins au niveau de notre plan stratégique, nous espérions peut-être atteindre 30 000 témoignages. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on est 60% de ce travail et nous avons déjà plus de 45 000 témoignages, ce qui veut dire que peut-être à la fin de cette phase nous estimons atteindre les 60 000 témoignages. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec ce journal. Le Conseil national de sécurité a récemment recommandé au ministère de l'Intérieur et celui chargé de l'Environnement de se mettre ensemble pour une issue concertée concernant la collecte des immondices en mairie de Bujumbura. L'assistant du ministre de l'Intérieur burundais l'a dit ce vendredi au cours d'une conférence publique des porte-paroles et des institutions du pays. Terence Naïdaja précise que les administratifs qui exigent les preuves des cotisations pour ces immondices le font illicitement. Il est traduit par Alain Désiré Boukienèse. Certaines coopératives et associations étaient affectées à la collecte des immondices dans les ménages de la mairie de Bujumbura. Visiblement, c'est qu'en réalité, le travail n'est pas en avance. Et c'est pour cette raison que le Conseil de sécurité a récemment pris une décision irrelative. Le Conseil a recommandé au ministre de l'Intérieur et celui ayant l'environnement dans ses attributions de résoudre conjointement cette question en concertation avec le maire de la ville. Concernant la police qui exigerait les preuves de cotisation pour la collecte, lors de son travail de routine, cela n'est pas vrai. La police exige seulement la carte nationale d'identité ainsi que le cahier de ménage. En outre, en ce qui concerne certains administratifs qui exigeraient les mêmes preuves pour satisfaire les doléances de la population, il n'y a pas de décision de la part du ministère qui établit de telles conditions. Au niveau de la commune, l'octroi de documents administratifs se fait suivant les conditions prévues par la loi. Ainsi, le requérant doit être de nationalité burundaise, sans oublier que même les étrangers jouissent également de certains droits au même titre que les nationaux. Il s'agit ici d'un clin d'œil pour l'un ou l'autre administratif, qu'il soit administrateur communal ou chef de zone, qui établit de telles conditions de renoncer à un tel comportement illicite. Terence Naïda Jaïlé, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole de ce ministère. Il a été traduit par Alain Désiré Boukienez. Je vous l'avais dit dans le titre, manque d'abattoirs dans différents marchés de la province de Bouvanza. Les bouchers s'arrangent pour abattre les animaux dans certains endroits non aménagés pour cette activité, ce comme à Monseigneur Komine Manda où la rivière Gifugwe a été transformée en abattoir, ce que déplorent les consommateurs de la viande, espèce Caritas Cavagnana. Dans pas mal de marchés de cette province de Bouvanza, il n'y a pas d'abattoir. Les bouchers s'arrangent pour pouvoir abattre les animaux. C'est par exemple au marché moderne de Moussigny, en commune Manda, où les bouchers abattent les animaux, les vaches, les chèvres, les moutons, sur la rive de la rivière Gifugwe. Ils lavent la viande dans cette même rivière, qui n'est pas propre selon les habitants de la localité, et ils jettent ensuite les déchets. Les habitants de cette localité de Moussigny déplorent les faits et demandent aux autorités de résoudre ce problème de manque d'abattoir. Même sans de cloche sur les bouchers qui disent qu'ils ont besoin d'un abattoir moderne, étant donné qu'ils disposent d'une importante clientèle. Au niveau de l'administration, on reconnaît ce problème et on précise qu'il sera bientôt résolu. Godefroy Niyungeko, conseiller de l'administrateur de la commune Manda, chargé du développement, explique que les travaux de construction d'un abattoir moderne ont commencé il y a 3 semaines à Mugaruro, à 1 kilomètre du marché moderne de Moussigny. Merci à Space Caritas Cavagnana et c'est par cet élément que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous quitter, un petit rappel des titres. Après le recueil des témoignages à travers le pays auprès des victimes et témoins, la Commission Vérité et Réconciliation compte bientôt lancer la phase des auditions publiques des victimes et témoins. La problématique liée à la mise en place des organes et dirigeants du central des jeunes du parti Saronia Fodebou est en cours de traitement, a rassuré le secrétaire général de ce parti Saronia Fodebou et à Bobanza. Vous avez suivi à travers le reportage de Space Cartas Cavagnana qu'il y a manque d'abattoirs. Et c'est par ce rappel des titres que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Bonne soirée à tous.